Séparé avec Claudia chérie, affection que bon moins pas qu'un femme qui jambe pour moi. Sincérité ma pande, franchise ma pande, vie nous toujours plus belle. Compréhension ma pande, sagesse ma pande, pour qu'à vivre chérie. Claudia chérie, vous êtes plus belle cadeau que grand maître à tes câbles pour moi. Claudia chérie doudou, affection que bon mouin, pas qu'un femme qui cajan pour moi. Sincérité m'a pendé, franchise m'a pendé, pour qu'à vivre tout le temps, chérie, sans problème. Chérie ou belle, d'un coup de nos âges dans le ciel, amour, dis-moi non, quand t'es ouvré pour la fêter. Yeah.